yeah. C'est du freestyle. Aïe, aïe, yeah, yeah, yeah. DJ Trip, on star. Est-ce un plus de classe, le fils sont crazy. T'es un boss, tu sais, yeah, yeah. Coco, j'y fais brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr j'écoute le flot de bâtard. Manille mal comme une hache, frappe le vide grave quand dans l'été sa vie grave. Esquive les types crades, les traves et les petites garces. Kiffe notre freestyle en 8 et 2 speech traces. Si si c'est crazy, 9-1 Massy, accompagné de MC qui sort tout droit de la scie. Je saoulé en direct, je vois que de l'eau de vie sur notre rive. Je vois les rêves qui ont des rêves, des haines noires comme de l'olive. Ça fait stresser la bague, j'ai pas de style pour leur dresser la patte. Change l'état d'esprit des basses qu'on déstrime sous leur gilet là-bas. J'ai la dalle, mais j'ai la dame, mettre sous la dent. Chante dans ma chambre pour entrer dans la danse, en tarpé sur la tempe. Puis le rap c'est pour la vie. Mais c'est pour un 8, chez nous la vie c'est cool, mais fais gaffe, c'est l'état qui nous l'a mise. C'est le son de la rue qui vient en live du sous-sol, que la France a laissé tout seul, qu'avant chaque jour sans boussole. C'est le son de la rue, des jeunes qui sont sans gêne, qui enchaînent des bêtes de rime. C'est l'usine, c'est la chaîne, c'est le son de la rue. Dans ta gueule, si tu connais pas, tu remarqueras qu'on est trop fort et toi, tu n'es qu'une épave. C'est le son de la rue, dans le rap, on fait pas semblant, assemblé pour que le morceau en un mot devienne sanglant. Je suis sûr qu'ici c'est dur, y'a le rap qui me percute, la rythmique me laisse à terre, mon écrit te coupe le souffle. Cherche mon flow sous la capuche, l'écurie venue d'un. T'es M Bond, t'es M Boss, la morsure t'envoie dans le zèle. Un de toi, tape ta pute, t'as pas le style qui cisaille. C'est la rue, par la rue, le 9-1 qui te mitraille. J'interroge depuis de ma mine, elle me répète qu'elle a la dalle. Que quand elle gratte le papier, elle ne peut faire que des trucs sales. Devine c'est qui carie. En 8 mesures, c'est pas un extrait, je vais enrichir ton disque dur expert. Expert de classe, soldat de la légion urbaine. J'atomise la prod à Paname, c'est le 15 du siècle. Fuck les hit parades, suck le fit carage hardcore comme Guy Georges qui propose la petite balade. Prose à la grippe, balade, la feuille de papier sèche. Quand je déboule au micro, c'est toujours de pied ferme. C'est le son de la rue qui vient en live du sous-sol, que la France a laissé tout seul, qu'avant chaque jour sans boussole. C'est le son de la rue, des jeunes qui sont sans gêne, qui enchaînent des bêtes de rime. C'est l'usine, c'est la chaîne, c'est le son de la rue. Dans ta gueule, si tu connais pas, tu remarqueras qu'on est trop fort et toi, tu n'es qu'une épave. C'est le son de la rue, dans le rap, on fait pas semblant, assemblé pour que le morceau en un mot devienne sanglant. Y'a pas de thème, c'est freestyle. C'est pour ceux qui se tapent au mic dans la cabine, transpire comme dans un city stade. Pour mes ragaleurs, par odeur, discuteur, JPEG. J'rappe pour les bonhommes, pas pour les petits skateurs. J'fume, j'tise, comme ça j'suis pas stressé. Ils me disent ça tu lentement, mais allez j'suis pas pressé. Mon son tourne dans Paname et dans les tests. Gros j'étane en effet, J-Pen te l'a mis dans les fesses. O-S-K-A-R, l'instru laisse-moi la patater. Frappé au label sainte, j'prends la tête zinc. Laisse-moi mettre ça, puis appelle les médecins. Les gens y appellent la marque de fabrique. Rappelle-toi du blaze, le groupe phare de la street. J'apporte la touche sombre, les yeux couleur rouge en doucement les coups. Montre puissant impressionnant. C'est le son de la rue qui vient en live du sous-sol, que la France a laissé tout seul, qu'avant chaque jour sans boussole. C'est le son de la rue, des jeunes qui sont sans gêne, qui enchaînent des bêtes de rime. C'est l'usine, c'est la chaîne, c'est le son de la rue. Dans ta gueule, si tu connais pas, tu remarqueras qu'on est trop fort et toi, tu n'es qu'une épave. C'est le son de la rue, dans le rap, on fait pas semblant, assemblé pour que le morceau en un mot devienne sanglant. C'est un freestyle.